إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا إخوة الكرام. Donc nous entamons inshallah tabarak wa ta'ala comme convenu un nouveau chapitre qui a été intitulé par l'auteur comme étant le chapitre de la description des ablutions. La description des ablutions. L'auteur du livre, Abdurrahman ibn Siadi, rahmallahu tabarak wa ta'ala, dit « Il doit avoir l'intention de lever l'état d'impureté rituelle ou alors l'intention de faire les ablutions pour accomplir la prière ou une intention de la sorte. » Il dit juste après « L'intention est une condition de validité dans l'ensemble des actes, entre parenthèses, d'adoration. Que ça soit dans la purification ou autre. Au regard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé et rétribué selon l'intention qu'il aura formulée avant d'accomplir son acte. C'est un hadith muttafaqun alayhi, c'est-à-dire reconnu authentique par l'imam al-Bukhari ou Muslim d'après le même rapporteur. En l'occurrence ici, Omar ibn al-Khattab radiallahu tabarak wa ta'ala. C'est un hadith important les frères. Barakallahu fikoum. Jusqu'à ce que certains salafs, un bon nombre de salafs même disaient, il convient que ce hadith soit en tête de chaque ouvrage de science. D'ailleurs, à titre d'exemple, et la liste n'est pas exhaustive, nous avons le grand imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, qui a vécu au 7e siècle de l'Hégire, entre le 6e et le 7e siècle de l'Hégire, qui a rédigé un ouvrage, Uqdatul Ahkam, c'est un livre de hadith dans le fiqh. Il a débuté son ouvrage par ce hadith. Aussi l'imam al-Barawi dans Sharh al-Sunnah, aussi l'imam al-Nawawi dans Sharh al-Muhaddab, aussi l'imam al-Bukhari l'a cité dans maints endroits dans son sahih et notamment en première position. Comme pour montrer que tout acte qui n'est pas voué à Allah tabaraka wa ta'ala est sans valeur. C'est comme une ligne de conduite qu'il se donne dans la rédaction de cet ouvrage. Et afin que chaque personne qui entreprend la lecture d'un ouvrage commence par rectifier son intention pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ce hadith-là, les savants s'accordent à dire qu'il constitue un des fondements de la religion, puisque c'est une balance des actes intérieurs, des actes du cœur, à savoir est-ce qu'ils sont sincères pour Allah ou non. On pourrait faire un cours entier sur ce hadith. Ce qui nous intéresse ici, les frères, barakallahu fikoum, c'est ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Les actes ne valent que par les intentions. » Et pour chaque personne, il aura la récompense de l'intention qu'il a formulée avant d'accomplir son acte. Alors, ces deux phrases-là, bien sûr, je les ai traduites comme ça, mais il y a deux explications chez les savants. Je vais essayer d'être le plus clair possible, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. La première explication, c'est de dire, lorsque l'on dit « innamal a'mal ou binniyya », qu'on traduit généralement par « les actes ne valent que par les intentions ». Effectivement, un acte ne peut être valide que s'il est précédé par une intention. C'est l'intention qui vient valider cet acte-là ou c'est l'intention qui est une des composantes de la validité de l'acte. Puisque une autre condition de validité de l'acte, c'est la conformité à la sunna. Or ici, le prophète nous parle d'une de ces deux conditions qui est la sincérité ou l'intention qui est formulée. Et la deuxième expression du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est chacun sera rétribué selon l'intention qu'il a formulée. Effectivement, chaque personne sera récompensé suivant l'intention qu'il a fait précéder à son acte. Donc ici, li kulli et à chaque. Le lame ici, c'est ce qu'on appelle le lame de la possession. C'est-à-dire que la personne obtiendra la récompense et elle sera propriété de cette personne dès lors qu'il aura formulé une intention correcte avant l'accomplissement de son acte. Ça, là, c'est une explication chez les savants. La deuxième explication chez les savants, c'est de décrire al-waqir, c'est-à-dire de décrire un état de fait, en disant un acte est nécessairement précédé d'une intention. C'est un constat. Donc ils l'expliquent comme ça. Ils disent, la deuxième ibara, la deuxième expression est de dire, la personne obtiendra de son acte en récompense ou autre ce qu'il aura formulé comme intention. S'il avait une bonne intention, alors son acte sera bon. S'il avait une mauvaise intention, son acte sera mauvais. L'explication qui est la plus probante et la plus juste parmi les deux, c'est la première. Car il y a une différence ici entre ce que demande et ce que nous enjoint la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et entre ce qui est existant comme un état de fait. Quel est l'intérêt de dire que chaque acte est forcément précédé d'une intention? La charia n'est pas venue pour montrer un état de fait, elle est venue pour nous demander quelque chose. Donc le premier sens est le plus valide. Je le répète, c'est le fait de dire que chaque acte n'est valide que par une intention qui est valide. C'est comme si on nous enjoint à formuler une intention valide pour que notre acte soit valide au final. Et ensuite, ayant fait ceci, alors le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et vous obtiendrez la récompense de cet acte-là si et seulement si votre intention est valide et a été formulée au préalable. La niyya est venue dans les textes religieux sous deux sens différents. La première, c'est celle qui se rapporte aux actes d'adoration et qui vient différencier les actes d'adoration les uns aux autres. Deux personnes en apparence prient la même prière, deux rakat. Par contre, l'acte n'est pas le même. Car le premier a prié deux rakat pour les salutations de la mosquée, alors que l'autre a prié deux rakat pour la prière de la consultation, par exemple. Ou alors, un troisième a prié deux rakat pour la prière qui est liée aux prières obligatoires, ce qu'on appelle rawatib. Donc vous voyez qu'en apparence c'est le même acte, mais en fait, en réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui vient différencier entre ces trois actes-là en apparence identiques? La niyya. C'est sur ce sens-là que les savants du fiqh se sont posés, c'est-à-dire dans le sens où elle vient différencier les actes d'adoration les uns les autres. La plupart des savants du fiqh prennent le terme de niyya dans ce sens-là. Or, il y a un deuxième sens de niyya. C'est celui qui a plus ou moins été évoqué au début de mon propos, c'est la niyya que l'on observe vis-à-vis du Créateur et de celui qui est adoré, c'est-à-dire Allah Jalla wa'ala, la sincérité, ni plus ni moins. Lorsque tu demandes à quelqu'un, tu dis « Pourquoi pries-tu ? C'est quoi ta niyya ?» Tu lui dis « Ma niyya est pour Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens « Je prie pour Allah ». On retrouve le sens de la sincérité dans le terme de niyya, surtout dans tout ce qui concerne tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire la purification de l'âme. Lorsque certains savants parlent de ces sujets-là, ils emploient le terme de niyya dans ce sens-là, dans le sens de la sincérité. Lorsque vous revenez par exemple à Kitab al-Fawa'id de l'imam al-Qayyim al-Jawziyya, qui est un livre qui traite de ce sujet-là, vous verrez que quand il parle de la niyya, il parle de la sincérité, al-ikhlas. Dans certains textes religieux, le terme de niyya a les deux sens. Mais souvent, dans les problématiques de jurisprudence, il aura le premier sens, c'est-à-dire la niyya dans le sens de différencier les actes d'adoration les uns vis-à-vis des autres. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a à Médine des gens et à chaque fois que vous avez parcouru la terre, ou alors traversé des régions, il ne cessait d'être avec vous. Eux, ils sont restés à Médine, mais le prophète a dit, il ne cessait d'être avec vous, il n'y a que l'excuse qui les a retenus. L'excuse, c'est-à-dire la maladie ou autre, ou la vieillesse, ou l'incapacité, bref, toute excuse légitime. Or, regardez bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a considérés comme étant avec eux, bien qu'ils sont restés à Médine, ils étaient avec eux, car ils avaient l'intention de partir, mais ce n'est que un empêchement légitime qui les a retenus à Médine. Aussi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur est malade, ou alors lorsqu'il est voyageur, il lui sera inscrit ce qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était résident et en bonne santé. Quelqu'un qui a l'habitude de prier, rawatib, les prières avant et après les prières obligatoires, alors en voyage, vous savez très bien qu'il n'est pas sunnah de le faire. Or, il lui sera inscrit la récompense de ses rawatib, quand bien même il ne les a pas faites, car lorsqu'il était résident, il le faisait tout le temps. De même, quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner tous les lundis et les jeudis, du jour au lendemain, il tombe malade. Il ne peut pas jeûner. Eh bien, à chaque lundi et chaque jeudi, il lui sera compté un jeûne. Car lorsqu'il était en bonne santé, il avait l'habitude de le faire. Comment on comprend ces hadiths-là? On comprend que cette personne-là, s'il n'avait pas été malade, il aurait jeûné. S'il n'avait pas été malade, il aurait prié. S'il n'avait pas été voyageur, il aurait fait ceci et cela. Mais à cause de la maladie ou du voyage, il ne l'a pas fait. Mais son intention est toujours présente. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, le récompense sur cette intention. Ces deux hadiths ont été rapportés par l'imam al-Bukhari. Sur le numéro 2834 et 4181. Aussi, quelque chose de très important concernant ce hadith, ce n'est pas toute personne à l'intention de faire une chose qui l'obtiendra. La preuve, les deux hadiths que je vous ai cités. Voilà qu'il la récompense, ceci il l'aura, inshallah, tabaraka wa ta'ala, car c'est une promesse d'Allah. Alors, il faut faire une différence entre l'intention que l'on formule et la chose que l'on va obtenir. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, celui qui désire cette vie d'ici-bas, alors nous allons lui hâter ce qu'il veut, nous allons lui hâter ce qu'il désire dans ce que nous voulons et à qui nous voulons. Regardez bien ici ce verset coranique, les frères, barakallahu fikoum. La personne, elle veut, elle désire cette vie d'ici-bas. Or, Allah, tabaraka wa ta'ala, ne lui donnera que ce qu'il veut, que ce que Allah aura voulu et à qui il aura voulu. C'est muqayyad, c'est restreint et c'est sous la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Hafidh ibn Kathir a dit, en commentant ce verset coranique, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que ce n'est pas toute personne qui recherche cette vie d'ici-bas et tous les bienfaits qui s'y trouvent qui obtiendra ce qu'il souhaite. Mais il obtiendra ce que Allah veut et à qui il veut. Tabaraka wa ta'ala. Par contre, celui qui désire l'au-delà, et ça, c'est le verset qui vient juste après. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا. Mais celui qui désire l'au-delà, et qui désire tous les délices de l'au-delà, et la félicité et la joie qui sera la sienne, s'il l'atteint, et que cette personne fait tous ses efforts en suivant ce qui a été légiféré pour atteindre son objectif, c'est-à-dire le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est croyant, et que son cœur est croyant, et qu'il porte foi à la récompense de ses efforts, alors Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est une promesse de sa part, ne lui rendra pas vain ses efforts. Wa kana sa'yuhum mashkura. Ses efforts seront gratifiés. Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera pleine satisfaction, car il aura été croyant, il aura porté foi à la récompense qu'Allah lui a promis tabaraka wa ta'ala, et Allah jalla wa ala ne fait pas perdre de bénéfice de ceux qui œuvrent dans le bien. Comment ? Par sa bonne intention. Non. Pensez-vous un seul instant, les frères, barakallahu fikoum, que nos actes d'adoration que l'on fait jour et nuit nous feront rentrer au paradis ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes d'adoration. Les compagnons alors de demander au prophète : ni toi, ô envoyé d'Allah ? Il a dit : ni moi. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Sur une balance, le paradis et nos actes, non, si on devait les poser sur les plateaux d'une balance, on verrait que nos actes ne valent rien devant le paradis. On n'est pas à la hauteur. Et je vous le dis, c'est une certitude, car le prophète Sassam lui-même l'a dit sur lui-même. Mes actes, face au paradis, ne sont pas à la hauteur. Dans le sens où personne ne pourra rentrer au paradis par ces simples actes qu'il fait nuit et jour. Quand bien même il se lève toutes les nuits, il jeûne tous les jours. Sauf par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala fera atteindre la récompense de celui qui souhaite l'au-delà. Et c'est une promesse d'Allah jalla wa ala. Quand bien même nos actes sont minimes, ne valent pas ce paradis qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à ses serviteurs. Et dans la conclusion, les frères, barakallahu fikoum, par rapport à ce hadith, tous les actes tournent autour de la niyya, de l'intention. Et là, je reviens au sens qu'utilisent les savants du fiqh, c'est-à-dire la niyya dans le sens de différencier les adorations les unes par rapport aux autres. Tous les actes tournent autour de la niyya, leur caractère valide ou invalide, la récompense qui en découle ou la punition qui en découle, leur perfection ou leur manquement. Que ce soit des actes d'adoration ou des actes de désobéissance. Tous ces actes-là tournent autour de la niyya et ne se différencieront les uns les autres que par la niyya. Pour ceci, et là c'est une transition directe avec le cours d'aujourd'hui, si une personne lave l'ensemble de ses membres selon la façon qui a été légiférée dans le lavage des membres lors des ablutions, mais lorsqu'il fait ceci, il le fait pour se rafraîchir, ou alors il le fait juste pour se laver le corps, alors on ne considérera pas cet acte-là comme des ablutions à part entière. Là, bien que l'acte en apparence est le même. L'auteur du livre a dit ensuite, puis il dit, donc après avoir formulé l'intention des ablutions, et l'intention, quelle est-elle, il doit dire dans son cœur ou exprimer dans son cœur de lever cet état d'impureté rituelle. Ou alors, les ablutions pour l'accomplissement de la prière. Ou quelque chose de similaire. Puis ensuite, il dit « Bismillah ». Donc il le dit, il faut qu'il s'entende le dire. Barakallahu fikoum. Là, ce n'est plus une parole du cœur. Puis il dit « Bismillah » avec sa langue. Bismillah, ce qu'on appelle en arabe « tabasmoul » ou on l'appelle aussi « tasmiya ». Ceci est légiféré. Unanimité chez les savants sur le caractère légitime de dire « Bismillah » avant les ablutions. Ce n'est pas une bidar. Mais les savants divergent sur le caractère juridique de cette formulation, à savoir, est-ce que c'est obligatoire de le dire ? Est-ce que c'est seulement recommandé ? Ou alors, est-ce que c'est une condition de validité des ablutions ? Il y a trois avis chez les savants. Et je vais donner déjà l'avis le plus, on va dire, marginal, même s'il se tient cet avis-là, car il est appuyé par des textes. C'est le fait de dire que « At-tasmiya », le fait de dire « Bismillah », c'est une condition de validité des ablutions. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je ne dis pas « Bismillah », mes ablutions ne sont pas valides. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci, c'est l'avis de certains savants, parmi eux à notre époque, Cheikh Al-Albani. Rahmallah tabarak wa ta'ala. Le deuxième avis, c'est de dire que la tasmiya est obligatoire. Obligatoire, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais mes ablutions, hein, mes ablutions restent valides, mais j'ai commis un péché car j'ai délaissé une obligation religieuse. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et autres. Il y a un troisième avis chez les savants qui est répandu. C'est le fait de dire que la tasmiya, c'est recommandé. Autrement dit, si je le dis, je suis récompensé. Si je la délaisse, aucun mal, aucun blâme. D'ailleurs, il y a ces trois avis-là chez les savants. Pour sortir de la divergence, j'ai voulu vous ramener les paroles de deux grands savants, un contemporain et un salaf. Cheikh Zayd al-Madkhali, rahmallah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il explique Tubul al-Sawiyya de al-Hafid al-Hakami, dans l'Afnan al-Nadiyya, il dit, il ne convient pas aux musulmans de délaisser la tasmiya, de délaisser cette formulation volontairement et avec préméditation. Car, si elle est obligatoire, donc il suppose, si elle est obligatoire, il a rempli son obligation et il a parfait ses ablutions. Et si elle est recommandée seulement, alors il a préservé une sunna qui est bénéfique. Il obtiendra une récompense dans la revivification de celle-ci. Et il prendra une récompense dans la revivification de cette sunna. Donc dans les deux cas, il est gagnant en disant et en prononçant « Bismillah » avant de commencer les ablutions. Quel que soit son avis sur la question. Puis il dit, la purification fait partie des choses importantes dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et la législation de l'islam. Et il convient à cet effet de la faire précéder par le nom d'Allah. Aussi, écoutez ce qu'a dit Ibn al-Mundhir, le Shafi'i, rahmallah tabaraka wa ta'ala, un des grands savants parmi les salaf. Il n'y a pas dans cette problématique de tasmiya un hadith clair et authentique qui nous montrerait que le fait de la délaisser viendrait annuler les ablutions. Mais il convient par précaution, écoutez bien, il convient par précaution d'évoquer le nom d'Allah avant de commencer les ablutions pour celui qui veut faire les ablutions ou le lavage rituel majeur. Et celui qui la délaisse n'aura aucun blâme. On comprend à travers ses propos qu'il voit que c'est seulement recommandé, mais il dit, à titre de précaution, il convient de le dire. En faisant ceci, alhamdoulilah, on sort de la divergence chez les savants. Cheikh Abdurrahman ibn Sa'adi ne voit pas que c'est obligatoire. Puis il lave ses mains trois fois. Là, ici, nous ne sommes pas encore entrés dans les ablutions à proprement parler. Le lavage des mains trois fois en amont des ablutions est presque pratiquement nécessaire, car les mains, ce sont, comme le disent les savants, l'outil par lequel tu vas te purifier. Il est nécessaire donc qu'elles soient propres et pures. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré le lavage des mains trois fois. Ceci a été prouvé par plusieurs hadiths. Le hadith de Himran, Mawla Uthman, qui a vu les ablutions de Uthman ibn Affan. Il a versé sur ses mains à trois reprises avant de commencer les ablutions. De même le hadith de Abdullah ibn Zayd qui a aussi versé sur ses mains de l'eau trois fois avant de commencer les ablutions. De même le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça ce sont des hadiths rapportés par l'imam al-Bukhari wa Muslim, lorsque l'un d'entre vous se lève ou se réveille de la nuit, du sommeil de la nuit ou du jour, qu'il lave ses mains trois fois avant de les plonger dans le récipient. Qu'il lave ses mains trois fois avant de les plonger dans le récipient dans lequel il va faire ses ablutions. Car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a passé la nuit. C'est-à-dire qu'elle peut être touchée par une impureté. Il dit, puis il lave ses mains trois fois. Donc ceci est prouvé par de nombreux hadiths du prophète, qui non seulement lave ses mains avant de commencer les ablutions, mais aussi à ordonner aux croyants de le faire. Comme dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou muslim d'après la version de Abi Huraira, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave ses mains 3 fois avant de les plonger dans le récipient. C'est-à-dire de les plonger dans le récipient où il fera ses ablutions. Pour quelle raison? Tout simplement car les mains sont les deux membres par lesquels on va faire les ablutions. Donc elles se doivent d'être pures et propres. Puis l'auteur du livre a dit, puis il fait le mazmada et l'istinchaq 3 fois avec 3 poignées de main. Que signifie ceci? Tout d'abord, al-mazmada, c'est un terme qui a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui signifie de faire tourner l'eau dans sa bouche, un rinçage de la bouche, presque une gargarisation de l'eau dans la bouche. Donc c'est faire tourner l'eau dans la bouche jusqu'à ce que cette eau arrive derrière les prémolaires et les molaires et ensuite le recracher avec vigueur et force. Donc c'est ni plus ni moins qu'un rinçage de la bouche. Et l'istinchaq, c'est le fait d'inspirer l'eau par le nez avec force. C'est le fait d'inspirer l'eau par le nez avec force. Voilà, kulihal, ces deux choses-là, al-mandmada ou l'istinchaq, sont légiférées dans les ablutions. Alors ici, il y a une problématique qui se pose. À savoir, est-ce que le mandmada ou l'istinchaq, le rinçage de la bouche et l'inspiration de l'eau par le nez, est obligatoire ou alors c'est seulement recommandé? Alors, les savants ont divergé et la cause de divergence tient sur le fait, est-ce que la bouche et le nez font partie du visage? Tous les savants s'accordent à dire que le visage est un des piliers des ablutions. Donc, est-ce que le nez et la bouche rentrent dans le visage afin qu'ils soient eux aussi lavés au même titre que le visage? Ou alors ce sont deux choses différentes. Il y a une divergence chez les savants à ce sujet, mais l'avis de l'ensemble des savants, de la majorité des savants, c'est qu'ils font partie du visage. Donc ils doivent être lavés au même titre que le visage, et ceci obligatoirement. Obligatoirement. Ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, ils disent qu'on lave l'intérieur du nez et l'intérieur de la bouche, alors que le visage c'est l'extérieur. Je vous résume un petit peu pourquoi ils divergent. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même certains le voient non obligatoire, ils disent qu'il est recommandé de le faire car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé. Il n'a jamais délaissé le rinçage de la bouche et le lavage du nez. Quand bien même il ne voit pas l'obligation. Mais la majorité des savants voient qu'ils font partie tous deux du visage, donc il est obligatoire de les laver. À ce titre, al-madmada ou l'istinchaq sont deux obligations des ablutions. Celui qui les délaisse volontairement, ses ablutions ne sont pas valides. D'ailleurs, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par l'imam Abu Dawud et authentifié par Cheikh al-Bani, d'après le sahabi Laqit ibn Sabra, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu fais les ablutions, madmid, c'est-à-dire fais le madmada. Rince ta bouche. Non. L'auteur du livre nous dit que ce rinçage de la bouche et du nez se fait par 3 poignées de main. On comprend ici que avec une poignée d'eau, ce qu'on appelle le rafa, on doit en même temps l'utiliser pour la bouche et le nez. C'est-à-dire concrètement qu'on prend une poignée d'eau, on rentre une partie de l'eau dans sa bouche et le reste de l'eau que l'on a dans sa main, on l'utilise pour le nez, en l'inspirant. Et ensuite, on recrache le tout par la suite. On le fait une fois, obligatoirement, au minimum. Si on le fait 2 fois ou 3 fois, ceci est recommandé. Oui. Il n'est pas légiféré de prendre 2 poignées de main pour chacun des 2 rinçages, c'est-à-dire une poignée d'eau pour la bouche et une autre poignée d'eau pour le nez. Ceci n'a pas été authentifié et d'ailleurs le hadith qui va dans ce sens-là n'est pas authentique, il y a une rupture dans la chaîne de transmission. Ce qui rend invalide le hadith, c'est le hadith de Talha, Talha ibn Musarrif. À la kulli hal, ce qui est légiféré et connu, c'est que l'on doit prendre une seule poignée d'eau pour le marmada et l'istinchar. Ceci fait une fois. Puis on refait une deuxième fois de la même sorte. Et une troisième fois de la même sorte. Ensuite, l'auteur du livre dit, puis il lave son visage trois fois. Alors le visage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le visage, il faut savoir tout d'abord que signifie le visage dans la terminologie des savants de la charia. Le visage est délimité par le début du cuir chevelu, donc le début des cheveux, jusqu'au menton, et ça en longueur, et de l'oreille à l'oreille en largeur. Donc tout ça, tout ce qu'il y a dans ces délimitations fait partie du visage. Il doit être lavé obligatoirement, car le lavage du visage est un des piliers des ablutions. Concrètement, que signifie un pilier des ablutions? C'est que si je le délaisse volontairement ou involontairement, même par oubli, mes ablutions ne sont pas valides. Et si j'ai prié comme ça, et que j'ai été informé que mes ablutions ne sont pas valides, alors je dois même recommencer ma prière, que j'ai prié avec ces ablutions-là, invalides. Lorsque l'on parle de pilier, il faut bien comprendre qu'un pilier il doit être respecté, dans tous les cas. Donc si je ne l'ai pas respecté, je reviens en arrière. Et je le fais. Et si j'ai prié des prières avec cette pureté, avec cette ablution, alors toutes les prières que j'ai faites avec sont invalides aussi. Je dois les refaire comme je dois refaire mes ablutions. Donc le visage, il se délimite comme ça. Du début des cheveux jusqu'au menton. Ça, c'est en longueur. Et des deux oreilles. Du début de l'oreille jusqu'au début de l'oreille. L'oreille en elle-même ne fait pas partie du visage. Elle fait partie de la tête. Donc, elle ne doit pas être lavée. On y viendra tout à l'heure, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Il se pose aussi une problématique dans le lavage du visage. Quand on parle de lavage des frères, barakallahu fikoum, ça c'est quelque chose que nous voyons, et ça c'est un manque de science flagrant dans cette problématique des ablutions. Certaines personnes, ils mouillent leurs mains, et avec les mains mouillées, ils se lavent le visage. Or, ceci ne s'appelle pas un lavage. Ceci s'appelle un essuyage. Ah. Un essuyage, c'est exactement ceci. On mouille ses mains et ensuite on les passe sur le membre. L'essuyage du visage n'est pas correct. Ce qui est demandé, c'est un lavage. Puisqu'Allah dit, tabaraka wa ta'ala, « Oh, vous qui croyez, lorsque vous apprêtez à vous lever pour la prière, lavez vos visages. » Il n'a pas dit « essuyer », il a dit « lavez vos visages ». Donc concrètement, comment se passe le lavage? Il faut que l'eau coule. Donc il faut que je prenne une poignée d'eau dans ma main et que je le mette sur mon visage. Ou alors je prends une poignée d'eau avec mes deux mains et je le mets comme ça sur mon visage. Pour savoir si on est vraiment dans un lavage, il faut que l'eau coule sur mon visage. Vous avez compris la différence entre le lavage et l'essuyage. Barakallahu fikoum. Donc on lave le visage dans les délimitations qui ont été citées par la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et du prophète. Autre chose, pour ceux qui ont une barbe, il faut considérer deux choses. Est-ce que la barbe est légère ou est-ce que la barbe est protubérante ou conséquente? Une barbe légère, c'est une barbe à travers laquelle on voit la peau. Voilà ce qu'on appelle une barbe légère. Lihyatul khafifa. C'est à travers laquelle on voit la peau. Une barbe protubérante, kasifa, c'est celle justement où on ne voit pas la peau. Elle cache la peau. Alors ces deux cas de figure, ils doivent être bien distincts, car il y a deux jugements par rapport à ceci. Celui qui a une barbe légère, il doit faire en sorte que l'eau atteigne la peau, comme s'il n'avait pas de barbe. Donc il va être amené à passer ses doigts mouillés à l'intérieur de sa barbe et faire en sorte que l'eau atteigne sa peau. Le tahlil ici est obligatoire pour lui. Par contre, celui qui a une barbe conséquente, celui-là, alhamdoulilah, il a le choix entre deux choses. Soit entre passer ses mains mouillées entre sa barbe afin de faire pénétrer l'eau à l'intérieur, comme celui qui a une barbe légère ou celui qui n'a pas de barbe. Ou alors, il lui est permis aussi de mouiller ses mains et de faire un essuyage sur la barbe seulement. Celui-là, bien sûr, il a le droit à une facilité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a le choix. Bien que ce qui est préférable pour celui-là, c'est de faire le tahlil, c'est-à-dire de passer ses doigts entre sa barbe. Donc les frères, barakallahu fikoum, ce qui est important à comprendre dans le lavage du visage, c'est que l'eau, premièrement, doit couler sur le visage. Quelle que soit la façon dont vous procédez. Soit on met de l'eau comme ça et on la verse sur le visage et ensuite on étale cette eau-là sur tout le visage qui est reconnu comme tel dans la législation. Ou alors, on peut passer même le visage sur le robinet ou sous le jet de douche, peu importe. Tant que l'eau coule, c'est ça qui est demandé. Par contre, mouiller ses mains et les passer juste sur le visage comme ça, ça s'appelle un essuyage et ceci ne rend pas valide les ablutions. Jazakumullah khair al-jaza. Le lavage du visage a été établi par le Coran et la Sunna et le consensus, ijmar. C'est un ijmar, donc il n'y a aucune divergence dessus. Non. Ensuite, l'auteur du livre dit, et il passe au deuxième pilier des ablutions, qui sont au nombre de 6 au final. Le deuxième pilier des ablutions, c'est le lavage littéralement des mains jusqu'au coude. Comme ceci a été stipulé dans le verset coranique, où Allah dit tabaraka wa ta'ala, et lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'au coude. Littéralement comme ça. Ici, al-yad, normalement al-yad, c'est ça en fait, c'est le kaf, l'uratan dans la langue arabe. Or ici, ce qui est voulu, c'est le bout des doigts jusqu'au coude, le coude inclus dans le lavage. Comment on le comprend comme ceci? On le comprend car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses mains de la sorte et a appliqué ce verset coranique de la sorte. Et vous savez tous qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam « وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » Et nous avons fait descendre sur toi le livre afin que tu exposes aux gens ce qui leur a été révélé afin qu'ils réfléchissent. Donc le prophète est venu pour éclaircir le Coran et le verset coranique en question. Donc on ne pourra comprendre le verset coranique dans Surat al-Ma'idah, le verset de l'Oudou, qu'en revenant à la façon dont le prophète faisait ses ablutions, sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a jamais vu que le prophète lavait seulement ses mains, ou lavait la moitié de son bras. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lavait du bout de ses doigts jusqu'au dessus du coude. Sallallahu alayhi wa sallam. Le lavage des mains jusqu'au coude a aussi été établi par le livre d'Allah, la sunna du prophète et le consensus des savants. Lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala jusqu'au coude, il faut comprendre avec le coude. C'est-à-dire que le coude lui-même est compris dans le lavage. Si je m'arrête juste avant le coude, mes ablutions ne sont pas valides. Et ceci est connu dans la langue arabe. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le verset coranique, dans le surat Hud, lorsqu'il parle de certains peuples, il dit, nous leur avons augmenté leur puissance ou leur force avec leur force. Or, le terme ici qui est employé avec, c'est ila, justement. Et le terme qui est employé dans le verset coranique, c'est ila. Donc, ila, d'une manière générale, il veut dire jusqu'à. Or, dans le verset coranique, il veut dire avec. Barakallahu fikoum. Concrètement, que signifie le verset coranique? Et lavez vos mains avec les coudes. Avec. Le coude est compris dans le lavage. Aussi, l'auteur du livre dit, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, puis, il essuie sa tête du début de la tête jusqu'à la nuque avec ses deux mains. Puis, il revient à l'endroit où il a débuté. Il fait un mouvement d'arrière en avant. Il commence par devant, il va en arrière, puis il revient en avant. Là ici, bien sûr, nous parlons d'un essuyage. Alors que pour le visage et les mains, nous parlions d'un lavage. L'essuyage, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire il suffit de mouiller ses mains. On ne verse pas de l'eau sur sa tête. On mouille ses mains seulement et ensuite on essuie la tête. D'un mouvement d'arrière en avant, avec les deux mains. Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ et essuyez vos têtes. Les savants ont divergé sur l'essuyage de la tête. Al-Ahnaf, l'école de l'imam Abi Hanifa, ou Al-Shafi'iyya, l'école de l'imam Al-Shafi'i, ils disent qu'une partie de la tête dans l'essuyage suffit. C'est pour ça que vous verrez certains qui suivent cette école de pensée, l'imam Abi Hanifa, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, l'imam Al-Shafi'i, des fois ils font juste comme ça l'essuyage devant la tête seulement. Ils divergent sur la longueur à partir de laquelle l'essuyage est valide. Pourquoi ils font ceci? Car ils expliquent le verset coranique bir ou sikum, le bi ici, ce qu'on appelle bil et tab'ir, c'est-à-dire une partie de la tête, essuyer une partie de la tête. Donc ils essuient une partie de la tête. Or le ba ici dans le verset coranique n'a pas le sens de une partie. Il a le sens de l'ensemble de la tête. Qu'est-ce qui nous prouve ceci? L'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète a fait ses ablutions? Ça doit rester la référence, le critère pour comprendre le verset coranique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait un essuyage partiel. Sauf quand il avait une imama, un turban. Quand il avait le turban sallallahu alayhi wa sallam, soit le turban couvrait tous ses cheveux, dans ce cas-là il faisait un essuyage complet sur le turban. Soit il n'avait pas de turban du tout, alors il faisait un essuyage complet sur sa tête, comme nous l'avions expliqué. Soit il avait un turban qui cachait une partie de ses cheveux et qui laissait à découvert une autre partie. Que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il essuyait la partie qui était à découvert et il essuyait l'imama ou l'imama. Donc on n'a jamais vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en tenait seulement à essuyer une partie de la tête sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle était à découvert. Sur la base de ceci, on comprend bien que lorsque Allah nous dit tabaraka wa ta'ala et essuyez vos têtes, il faut essuyer l'ensemble de la tête. De la manière que je vous ai citée, puisque c'est celle-ci qui a été rapportée dans les hadiths authentiques. D'une manière générale, l'essuyage de la tête se fait une fois. Contrairement au lavage, le prophète avait l'habitude de faire trois lavages. Or, l'essuyage, le prophète avait l'habitude de faire un essuyage, l'essuyage de la tête et aussi les oreilles. Or, il a été rapporté dans des hadiths qui sont authentiques que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le hadith de Rubayya, binti Mu'awiz ibn Afra, lorsqu'elle a vu le prophète faire ses ablutions, elle a dit qu'il avait essuyé deux fois sa tête. Ce qui prouve que ceci est légiféré, c'est permis de le faire. Or, nous avons dans d'autres hadiths que le prophète ne le faisait que de temps en temps. Ahyanan. Et j'ai expliqué que dans la langue arabe, lorsqu'on dit ahyanan chez les arabes, ça peut vouloir dire une seule fois seulement. Donc on ne doit pas le prendre comme une habitude. Jazakumullah khair jaza. Il faut le faire de temps en temps afin de faire revivre cette sunnah, mais ne pas le faire tout le temps. Ce qui est de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est de la sunnah, c'est de le faire une seule fois. D'une manière quotidienne. Si on le fait de temps en temps, alors on fait revivre une sunna, et ceci est bien. Je vous ai d'ailleurs, pour ceci, rapporté la parole de Cheikh Al-Albani, rahmallahu tabarak wa ta'ala, dans Tamam al-Minna, lorsqu'il reprend le hadith de Rubayya. Il dit, et ceci est véridique, et ceci est vrai, car le fait que le prophète le faisait une seule fois, et ceci était son habitude, ne vient pas contredire le fait qu'il l'ait fait deux fois ou trois fois. Il n'y a aucune contradiction entre ceci et cela. Car le fait de le faire deux fois ou trois fois n'est qu'une sunna. Alors que le fait de le faire la première fois est un pilier. Donc aucune contradiction entre le fait de le faire une seule fois ou trois fois. Et d'ailleurs, dans le fait de le faire trois fois, il continue et il dit « Le fait de le faire de temps en temps et de le délaisser de temps en temps est une sunna à faire revivre. » D'ailleurs, l'imam al-San'ani voit aussi que ceci fait partie de la sunna, c'est-à-dire de faire de temps en temps, deux fois ou trois fois. Rentre dans l'essuyage de la tête, l'essuyage des oreilles. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les deux oreilles font partie de la tête. Puisque la tête doit être essuyée, alors les oreilles de même. Pour ceci, l'imam Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, puis il rentre ses deux index dans l'orifice de ses oreilles et il essuie avec ses deux pouces la face extérieure de ses oreilles. Concrètement, je rentre les deux index dans l'oreille comme ça, et avec le pouce, je fais un essuyage à l'extérieur. Ici, bien sûr, lorsqu'on lave les oreilles, d'une manière générale, on utilise la même eau que celle qu'on a utilisée pour l'essuyage de la tête, à la condition que les mains restent encore mouillées. Si les mains sont encore mouillées après l'essuyage de la tête, alors on utilise la même eau pour l'essuyage des oreilles. Par contre, si les mains ont eu le temps de sécher, alors il n'y a pas de mal à reprendre de l'eau, remouiller les mains pour l'essuyage des oreilles. Aussi, puisque c'est un essuyage et l'essuyage est une purification légère qui a été allégée par Allah tabaraka wa ta'ala, on ne demande pas à la personne d'essuyer ce qu'il y a à l'intérieur des cartilages. Naam, on fait un essuyage de façade. De même, on ne demande pas pour l'essuyage de la tête que l'eau rentre à l'intérieur et touche la peau. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, par exemple. Est-ce qu'on lui demande de rentrer l'eau à l'intérieur? On lui demande juste d'essuyer au-dessus. Car c'est une purification légère. Cette purification légère peut être expliquée par le fait que lorsqu'il fait froid, l'utilisation de l'eau sur la tête peut être préjudiciable. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa grande sagesse, nous a permis un essuyage et nous a exempté d'un lavage qui pourrait être préjudiciable pour la personne. Il en est de même pour les oreilles. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.